Exode chapitre 5. Après cela, Moïse et Aaron s'en allèrent, et dirent à Pharaon, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête solennelle dans le désert. » Mais Pharaon dit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, et que je laisse aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Et ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Nous te prions que nous allions le chemin de 3 jours au désert, et que nous sacrifions à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne se jette sur nous par la mortalité, ou par l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos charges. » Pharaon dit aussi, « Voici, le peuple de ce pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. » Et Pharaon commanda ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple, et à ses commissaires, en disant, « Vous ne donnerez plus de paille à ce peuple paix, pour faire des briques, comme auparavant, mais qu'ils aillent, et qu'ils s'amassent de la paille. Néanmoins vous leur imposerez la quantité des briques qu'ils faisaient auparavant, sans en rien diminuer, car ils sont gens de loisirs, et c'est pour cela qu'ils crient, en disant, « Allons, et sacrifions à notre Dieu. » Que la servitude soit aggravée sur ces gens-là, et qu'ils s'occupent, et ne s'amusent plus à des paroles de mensonges. » Alors les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent, et dirent au peuple, « Ainsi a dit Pharaon, je ne vous donnerai plus de paille. Allez vous-même, et prenez de la paille où vous en trouverez, mais il ne sera rien diminué de votre travail. » Alors le peuple se répandit par tout le pays d'Égypte, pour amasser du chaume au lieu de paille. Et les exacteurs les pressaient, en disant, « Achevez vos ouvrages, chaque jour sa tâche, comme quand la paille vous était fournie. » Même les commissaires des enfants d'Israël, que les exacteurs de Pharaon avaient établis sur eux, furent battus. Et on leur dit, « Pourquoi n'avez-vous point achevé votre tâche, en faisant des briques hier et aujourd'hui comme auparavant ?» Alors les commissaires des enfants d'Israël vinrent crier à Pharaon, en disant, « Pourquoi fais-tu ainsi à tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et toutefois on nous dit, « Faites des briques. » Et voici, tes serviteurs sont battus, et ton peuple est traité comme coupable. » Et il répondit, « Vous êtes de loisirs, vous êtes de loisirs, c'est pourquoi vous dites, « Allons, sacrifions à l'Éternel. » Maintenant donc, allez, travaillez, car on ne vous donnera point de paille, et vous rendrez la même quantité de briques. » Et les commissaires des enfants d'Israël virent, qu'ils étaient dans un mauvais état, puisqu'on disait, « Vous ne diminuerez rien de vos briques sur la tâche de chaque jour. » Et en sortant de devant Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se trouvèrent au-devant d'eux, et ils leur dirent, « Que l'Éternel vous regarde en juge, vu que vous nous avez mis en mât. Uvez odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs, leur mettant l'épée à la main pour nous tuer. » Alors Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait maltraiter ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car, depuis que je suis venu vers Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. »